France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Marc Floriot, bonsoir. Suite et fin de la série autobiographique des grands contemporains avec Golda Meir en 1977. Qui sont donc ceux qui ont libéré Jérusalem et ont ramené les enfants d'Israël à Jérusalem? Voilà ce que peut-être cette série tente de renseigner en quelque façon. Une relation souvent purement anecdotique ou pittoresque ne doit pas masquer outre mesure ici en quoi une nation de prêtres se pose, d'abord, dès l'origine, comme source d'inspiration spirituelle pour tous les peuples. Les 9e et 10e volets de la série soulèvent le voile des générations, certes processus commun à tous les peuples dans l'histoire. Ici, en particulier, il s'agit profondément de la base même d'une géopolitique, par définition biblique, qui ne peut être confondue avec des opportunismes de type sionisme religieux, par exemple. L'avenir le dira, bien sûr, mais d'abord retour au 22 et 23 décembre 1977. Dans la série Les grands contemporains, Patrice Galbaud propose Entretien avec Golda Meir. So the young generation, now maybe the second and the third, fourth generation, for them it's as natural to be a Jew. That's no problem to them. So they're different than my generation. Avec Eliaou Ben Elissa, Mandera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Leibovitch, Haru Levavi, Daniel Maier, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. So the young generation, now maybe the second and the third, fourth generation, for them it's as natural to be a Jew. That's no problem to them. So they're different than my generation. Pour la jeune génération, qui maintenant est peut-être la deuxième ou la troisième, c'est parfaitement naturel d'être juif. Ça ne pose aucun problème. C'est la différence avec ceux de ma génération. Je voudrais aujourd'hui parler de la jeunesse israélienne. Cette jeunesse en perpétuel état d'alerte, jusqu'à ces jours derniers en tout cas. Comment vit-elle? Que pense-t-elle? Quel est son idéal? Je pense que ici, comme partout, les jeunes ne sont pas forcément d'accord avec les dirigeants. Et je voudrais vous demander, Lou Kadar, quels sont les rapports de Golda Meir avec les étudiants? Elle les reçoit ou elle les recevait souvent? D'abord, je dois vous corriger un peu. Nos étudiants ne sont pas exactement comme les étudiants du monde entier. Pour la bonne raison que nos étudiants sont tous plus âgés en général que les étudiants dans les autres pays, parce qu'ils deviennent étudiants seulement après avoir fait 3 ans de service militaire. Ils sont donc plus mûrs et plus âgés que les étudiants de, disons, de France, d'Angleterre, d'Allemagne. Et par le fait même qu'ils sont plus mûrs et qu'ils ont fait 3 années de service militaire qui est dur chez nous et qui est très important, beaucoup plus important qu'en France ou en Belgique ou je ne sais pas, en Suède. Par le fait qu'ils ont compris pendant ces 3 années de service militaire quels sont leurs devoirs en cas de guerre, pourquoi est-ce qu'ils font leur service militaire, leurs attitudes envers la vie politique, envers la vie en général, est différente lorsqu'ils deviennent étudiants, différente de ce qu'est l'attitude d'autres étudiants. Ils doivent aussi, lorsqu'ils deviennent étudiants, rattraper ces 3 années de service militaire par des études plus approfondies et plus difficiles. Et la grande majorité aussi d'étudiants doit travailler chez nous. Les études supérieures ne sont pas gratuites. Elles sont pour eux assez chères. Et s'il y en a pas mal dont les parents sont assez aisés pour pouvoir payer leurs études, la grande majorité n'a pas de parents aisés pour payer des études. Ils doivent donc étudier plus dur que les autres et aussi travailler en même temps. Donc ils se préoccupent plus de leurs études que de mouvements politiques, que de toutes sortes de choses qui sont plus à la portée d'étudiants étrangers. Vous m'avez raconté qu'un jour elle s'était trouvée devant un grand amphithéâtre rempli d'étudiants, comme ça elle a eu une réaction qui les a touchés très profondément. Ah, je vous ai raconté un fait particulier, mais c'était en général. Elle a toujours été très en demande quand elle était ministre des Affaires étrangères et aussi lorsqu'elle était Premier ministre, pour venir devant des étudiants, devant les élèves de 8e, chez nous les lycées, c'est à la fin de la 8e qu'on passe le baccalauréat. Les 8e l'ont toujours beaucoup demandé, à la fin de leurs études, pour qu'elle explique que se passe-t-il dans le pays, quelle est notre situation aujourd'hui vis-à-vis des pays arabes, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis des grandes puissances. Elle n'a jamais refusé. Et naturellement devant les étudiants dans toutes les universités, elle a toujours été beaucoup en demande, elle a toujours accepté de venir leur parler, et en général elle les laissait eux parler. Elle, très souvent dès le début, elle ne faisait pas de conférences, elle leur disait simplement: je suis là pour vous, je réponds à vos questions, demandez ce que vous voulez, je réponds. Et en général c'est comme ça que ça se passait. De temps en temps, lorsqu'elle avait une chose spéciale à dire, à expliquer, alors elle commençait par un court discours pour poser une situation spéciale qu'elle désirait lancer ou expliquer. Et ensuite, alors elle invitait les questions. C'était toujours au lieu d'une séance de 1 heure, comme on le lui demandait, c'était toujours 2 heures, c'était 2 heures et demie. Et c'est une bonne femme qui n'a jamais regardé sa montre et qui ne sait pas exactement que la journée est faite de 24 heures. Et que lorsqu'elle est invitée pour une conférence et qu'on lui demande de donner 40 minutes, elle ne sait pas exactement ce qu'on veut d'elle. Elle a quelque chose à dire ou elle n'a rien à dire. S'il a quelque chose à dire, alors elle ne sait pas si ça durera 40 minutes ou 80. Et les gens acceptent. Et les étudiants, certainement. En général, elle a toujours été extrêmement bien accueillie par les étudiants. C'est eux qui la demandaient, et c'est à eux qu'elle s'adressait, et c'est à eux qu'elle expliquait les choses qu'ils demandaient à savoir. Et Madame Meir a toujours su se faire non seulement comprendre par les étudiants, mais se faire admettre, sans se mettre à leur niveau, en restant toujours la personnalité politique de laquelle ils voulaient entendre des explications, mais elle a toujours su se faire admettre et d'une façon extrêmement sympathique. Je me souviens d'une fois où elle devait aussi être à une séance de questions et réponses à l'université de Bar-Ilan près de Tel Aviv. C'est une université où les études religieuses juives sont très suivies et un grand nombre d'étudiants là-bas, la grande majorité, ce sont des jeunes filles et des jeunes gens religieux. Et nous n'étions pas très sûrs de la façon dont elle serait reçue. C'était une époque pas très facile, mais enfin, c'est toujours comme ça chez nous. Et lorsqu'elle est arrivée, l'amphithéâtre était plein à craquer. C'était le soir et il faisait beau, comme d'habitude chez nous. Il y avait beaucoup de gens dehors. On avait mis des haut-parleurs pour que tout le monde puisse entendre. Il y avait des milliers de jeunes filles et de jeunes gens. Et le président de l'association des étudiants qui avait organisé cette soirée est monté sur l'estrade lorsqu'elle est arrivée et il s'est adressé à tous ces jeunes gens et leur a dit « Je voudrais en votre nom remercier le Premier ministre d'avoir bien voulu nous donner un peu de son temps si précieux. » Alors tout le monde s'est mis à applaudir naturellement et lorsque les applaudissements se sont tus, et Madame Meir s'est levée, elle n'est pas bien grande, mais enfin, comme elle était presque seule sur l'estrade, elle était quand même beaucoup plus haute que tout le monde. Et elle a dit tout simplement, ne me remerciez pas, c'est moi qui dois vous remercier. Quel paysage, a-t-elle dit en étendant les bras. C'était le paysage qu'elle avait devant elle, c'était toutes ces faces de jeunes qui la regardaient. Il y a eu un moment de silence absolu, et alors ils se sont mis à applaudir. Beaucoup plus que lorsqu'ils l'ont remercié d'être là. Ils l'ont remercié pour ces quelques mots qu'elle a dit et pour ce geste. Les deux bras étendus, elle les embrassait tous. Il y a eu des applaudissements absolument incroyables. Et alors après, naturellement, ça marchait comme sur des roulettes. Toutes les questions posées ont été des questions qui étaient gentilles, qui n'étaient pas embarrassantes, comme ça arrivait parfois, et on buvait ses paroles, enfin, une soirée absolument exquise, et qui n'en finissait pas, du reste, ça durait des heures. Ce n'est pas prémédité chez elle, Non. Elle a vu, tout à coup, elle s'est trouvée devant un paysage formidable, comme vous voyez, et tout à coup, quelque chose de très beau, disant, oh mon Dieu, que c'est beau. Alors voilà, elle a trouvé que toutes ces faces devant elle, jeunes, étaient magnifiques. Alors elle leur a dit. Ils ont aimé ça. Espoir dans la jeunesse, cette génération qui, pour la première fois, va peut-être enfin connaître la paix. Son idéal est-il ce qu'était le vôtre quand vous êtes arrivé ici en 1921? Look, they are different because they don't know. They never felt that the difficulty of being Jewish. They know the difficulty of safeguarding Israel, that they know. Ils sont différents parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont jamais connu la difficulté d'être juif. Ils connaissent par contre la difficulté de défendre Israël. Ça oui, ils le savent bien. But their Jewishness is something that is self-evident, it's natural. Mais être juif pour eux, c'est parfaitement évident, parfaitement normal. I remember years and years ago before the state, when the Habima Theater came to Israel for the first time, to Palestine then, and they were putting on a play which said, it is difficult to be a Jew. Tenez, je me rappelle une anecdote. Il y a des années de cela, plus de 30 ans, avant la fondation de l'État, une troupe de théâtre est venue jouer en Israël, la Palestine alors. Une pièce dont le titre était « Être juif, c'est difficile ». And two little children were standing there, the poster that was up, and they could hardly read. It is difficult to be a Jew. Why? You see, they didn't understand why. Il y avait deux petits enfants qui regardaient l'affiche. Ils savaient à peine lire. Est-ce difficile d'être juif? Pourquoi? A demandé l'hindou. Il ne comprenait pas pourquoi. So the young generations, now maybe the second and the third, fourth generation, for them it is natural to be a Jew. That's no problem to them. So they're different than my generation that came here from other countries, the first ones mainly from Eastern Europe, where they saw pogroms and they saw discrimination. So in that they're different. In that they haven't got memories. They know the history, but they haven't personal memories. I mean, maybe their parents and grandparents don't have it anymore. Pour la jeune génération, qui maintenant est peut-être la deuxième ou la troisième, c'est parfaitement naturel d'être juif. Ça ne pose aucun problème. C'est la différence avec ceux de ma génération. Nous sommes venus d'ailleurs. Nous avons connu les pogroms, la discrimination. Eux n'ont pas ces souvenirs. Ils en ont entendu parler, bien sûr, mais ils ne l'ont pas vécu. Ni leurs parents, peut-être, ni même leurs grands-parents. They are, I think they're very bright. I think they're probably in many ways more capable than my generation was. Ce que je pense des jeunes, ils sont dans bien des domaines infiniment plus capables que nous l'étions nous-mêmes. They're very devoted to Israel. They don't know what fear means. They're brave, they're efficient, much more efficient than we were at their age in everything they do, and they're idealists. Ils sont entièrement dévoués à la cause d'Israël, ils ignorent la peur, ils sont braves, efficaces et ils veulent la paix. Et ils sont idéalistes. Not all of them. But my generation also weren't all of them, because otherwise we would be many more people here. Jews remained outside of Palestine. If they'd come here, this would have been a different country by this time. Pas tous, bien sûr, mais ceux de ma génération ne l'étaient pas tous non plus. Sinon, nous serions beaucoup plus nombreux dans ce pays et tout serait différent. They're not like we are. You don't expect your children and your grandchildren to be like their grandmothers. Nos jeunes ne sont pas ce que nous étions. Des enfants et des petits-enfants ne ressemblent pas obligatoirement à leur grand-mère. But they're a wonderful generation. It breaks one's heart to see how wonderful they are, especially at a time of struggle. And there's no limit to what they are prepared to do to save the country. Mais c'est une génération magnifique et souvent j'ai le cœur serré quand je les vois si courageux, si pleins de vie et que je sais la bataille proche encore. Leur volonté de défendre leur pays. Vous êtes fiers d'eux? You're proud of them. Very. Very. Sometimes I'm angry with them for various things, but that doesn't matter. Très, très fiers. Et de temps en temps, je suis en colère contre eux. Mais c'est sans importance. But I love them and I respect them for the simplicity with which they do things. You won't find many of the young people that have been maybe already in three wars, four wars. Je les aime et je les respecte pour la simplicité avec laquelle ils font leur devoir. Vous ne trouverez pas ici beaucoup de jeunes qui n'aient pas déjà fait deux ou trois guerres. And the youngsters that have been in the last terrible war of 73, of the Yom Kippur War, you don't find anybody who'll say, look, I'm a hero. I was the only one in the tank that... No. That's no look. Aucun ne vous dira, je suis un héros, je suis le seul dans un tank qui ait fait ceci ou cela. Non. Il trouve ça normal. It's normal. Only the other day, again, I saw a program that was put on television several times of three men on the Golan Heights. Each one I don't understand how they did it. But you see how they talk about it, what they did, was as though they was an ordinary thing. Il y a quelques jours, j'ai vu une émission de télévision à laquelle participaient trois soldats qui s'étaient battus sur le Golan. Ce qu'ils avaient fait était inouï. On se demandait comment cela était possible. Mais eux, ils parlaient comme si c'était parfaitement banal. And it breaks one's heart that that's what they have to do. That they have to fight over and over and over again. And that we, the older people, cannot promise them that there will not be another war. J'ai le cœur brisé, vous savez, quand je pense que ces garçons devront peut-être encore se battre. Et que nous, les vieux, nous ne pouvons pas leur promettre qu'il n'y aura plus de guerre. I've been here 56 years. And I haven't known one year of peace. Il y a 56 ans, je suis arrivé dans ce pays et je n'ai pas connu une seule année de paix. In the very beginning. And then my children grew up and now my grandchildren. Mes enfants ont grandi dans la guerre. Maintenant, ce sont mes petits-enfants. Some were already in the army, some are now in the army. And two that are still left, one is goes into the army next year, and the little one, 3 years from now, will go into the army. Les aînés sont dans l'armée. Des deux autres, un sera militaire dans un an, l'autre dans trois. And they don't ask me, but if they would, I have two grandchildren in the army now, if they would ask me, Grandmother, do you think we will have to fight the war? I won't lie to them. I won't say, no, there won't be any war. I don't know. Il ne me pose pas de questions. Mais si un jour il me disait, grand-mère, est-ce que nous devrons un jour faire la guerre? Je ne leur répondrai pas, mais non, il n'y aura plus de guerre. Je ne sais pas. Because whether there is a war or not does not depend upon us. It depends upon our neighbors and the world. Not only upon our neighbors. It depends upon how the world. Parce que la guerre ne dépend pas de nous, ni seulement de nos voisins non plus. Elle dépend du monde entier. You'll forgive me if I say something very sharp. How the world, the best in the world. I'm talking about democracies and cultured countries and good people and decent people. How they haven't the courage to say what is right and what is wrong. Qu'on me pardonne la brutalité de ce que je vais dire. Le monde, enfin ce qu'il y a de meilleur dans ce monde civilisé, enfin je parle des démocraties, aura ou n'aura pas le courage de proclamer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tout est là. I read something this morning which is, you can't understand it. There is an organization, there's a meeting, a conference of air companies. And the PLO will be allowed to be at that conference as observers. Those that hijack airplanes. Je viens de lire dans le journal une chose aberrante que je ne peux pas comprendre. Il va y avoir une réunion des compagnies aériennes et l'OLP aura le droit d'y envoyer un observateur. Eux qui détournent les avions de ces mêmes compagnies. They started the hijacking of airplanes. Now everybody does it. But they have the copyright of hijacking. Maintenant tout le monde le fait, des Japonais, des fous, soit. They're going to be observers in a conference of airlines whose planes they have hijacked. Mais l'OLP détient le brevet de cette triste invention. L'OLP va envoyer des observateurs lors d'une réunion des compagnies aériennes dont ils ont détourné les appareils. It's just like I would say that a conference of Interpol has as observers robbers. I mean, you Logically, one can't understand it. C'est exactement comme si, à une réunion d'Interpol, on conviait des bandits pour qu'ils observent. Non, franchement, pour moi, c'est incompréhensible. Monsieur Haroul Levavi, vous avez été longtemps un des ambassadeurs d'Israël. Vous êtes maintenant professeur à l'université, ce qui vous met en contact permanent avec les étudiants. Que pense-t-il de l'idéologie de Golda Meir? On dit parfois que c'est un peu bière, n'est-ce pas? C'est une idéologie peut-être avec une fondation juste, mais un peu simpliste, noir et blanc, n'est-ce pas? Que les valeurs traditionnelles des pionniers, des bureaux, n'est-ce pas, c'est un peu trop simple pour le monde compliqué dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je crois que, si on parle généralement, ils veulent une société qui doit être, qui ne doit pas être purement matérialiste. Ils veulent que dans cette société, la vie sera plus tranquille, plus aisée qu'elle a été pendant des dizaines d'années, des dangers extérieurs, difficultés économiques. Mais cette vie aisée est quand même dirigée et contrôlée par des valeurs spirituelles. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, Haroul Levavi, avec Denis Jans. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. They're a wonderful generation. Sometimes it breaks one's heart to see how wonderful they are, especially at a time of struggle. And there's no limit to what they are prepared to do to save the country. Mais c'est une génération magnifique, et souvent j'ai le cœur serré quand je les vois si courageux, si pleins de vie, et que je sais la bataille proche encore. Leur volonté de défendre leur pays. Dans la série Les grands contemporains, Patrice Galbeau propose Entretien avec Golda Meir. The richer the countries than we are, and countries that didn't have to fight five wars in 30 years also can't accomplish everything. Avec Eliaou Ben Elissa, Mondera Gazit, ambassadeur d'Israël en France, Lou Kadar, professeur Yeshayahu Lebovitch, Haru Levavi, Daniel Mayer, Shimon Peres, Regina Mezzini, Jacob Tsour. Avec Denis Jans. Richer countries than we are, and countries that didn't have to fight five wars in 30 years also can't accomplish everything. Des pays plus riches que le nôtre, des pays qui vivent en paix, qui n'ont pas eu à combattre sans cesse, eh bien ces pays-là, eux non plus, n'ont pas encore réalisé tous leurs projets. Et bien voici ce soir le dernier des entretiens que Mme Golda Meir a bien voulu m'accorder. La grand-mère d'Israël fêtera peut-être son 80e anniversaire en mai prochain dans la paix, pour la première fois depuis 30 ans. En attendant ce jour tant espéré, qui sera sûrement le plus beau de votre vie, Madame Meir, je voudrais vous demander de nous parler encore un peu de vous, non pas de ce que vous avez fait, mais de ce que vous n'avez pas eu la possibilité ou le temps de réaliser. I never said that I accomplished everything that should have been accomplished or accomplished everything that I wanted to accomplish. There are certain limitations. Je n'ai jamais prétendu avoir accompli tout ce qui devait l'être. Je n'ai certes pas fait tout ce que j'aurais souhaité faire. Il y a toujours des obstacles. It doesn't depend upon the will of a prime minister or of a government even. There's economic limitations. There were wars that we had to fight. Tout ne dépend pas de la seule volonté du Premier ministre et même de celle du gouvernement. Il y a des obstacles économiques. Il y a les guerres. For instance, we have still a lack of housing in the country, and certainly that isn't something that I like or any one of us likes. We built an enormous amount of housing, but still not enough. Un domaine dans lequel il y a fort à faire, c'est celui des logements. Nous avons énormément construit, mais ce n'est pas encore assez. Houses that we built in the 50s or in the 60s are now too small for the families. We had to increase those houses. And we did do that. But there are still people that live in substandard as far as housing is concerned. Et les maisons que nous avons bâties dans les années 50 ou 60 sont trop petites maintenant. Et les familles se sont agrandies. Il y a encore trop de gens mal logés. But we built new towns and hundreds of new villages. And we taught people that didn't have a trade at all. We taught them how to work, and they've become good workers in factories and industry. Il faut construire sans cesse. C'est ce que nous faisons, des villes nouvelles et des centaines de villages. Nous avons formé des ouvriers immigrés qui ne savait rien faire et qui maintenant travaille tout à fait bien. We had a very serious problem in education, in culture. Il y a bien d'autres domaines où les problèmes sont encore considérables, l'éducation et la culture entre autres. People came to us speaking tens of different languages from almost 100 countries in the world. And we had to teach them so that we can understand each other. Les gens qui sont arrivés ici venaient de tous les pays du monde. Ils parlaient leur langue. Il a fallu les éduquer pour que nous puissions nous comprendre les uns les autres. And put the children to school and prepare young people from those countries that came from very backward countries. Envoyer les enfants en classe, former les jeunes, ceux en particulier qui venaient de pays sous-développés. For example, Jews that came from Libya lived in caves. You know what a cave is? Well, they didn't have very many schools in caves. Tenez, par exemple, les Juifs de Libye. Ils vivaient dans des grottes. Vous voyez ce que c'est, des grottes. Et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'écoles dans les grottes. And the Jews were not to blame, but the countries from which they came were backward countries. And we tried to bring them up to a 20th century standard. Ces Juifs-là n'y étaient pour rien. Ils venaient de pays tellement arriérés. Nous leur avons ouvert les portes du XXe siècle. I don't say we have accomplished everything, but we've accomplished a lot. The first law that we passed in Parliament was that every child from the age of 5 to 14 must go to school free. Jewish children, Arab children, everybody. Il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Mais nous avons bien travaillé. La première loi votée par notre Parlement a été l'école obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 5 à 14 ans, qu'ils soient juifs, arabes ou quoi que ce soit. And then we had health problems. People came with all kinds of diseases. We didn't have enough hospitals, we didn't have enough doctors, we didn't have enough of anything. Puis nous avons eu à résoudre les problèmes sanitaires. Les émigrés ont apporté les microbes de leur pays. Nous manquions d'hôpitaux, nous manquions de médecins, nous manquions de tout. So sure, I would have, every one of us would have liked to have this country perfect, no problems, everybody is in a good house and so on, but it doesn't work out like that. Richer countries than we are, and countries that didn't have to fight five wars in 30 years also can't accomplish everything. Une chose est certaine. Nous aurions tous voulu que ce pays soit parfait, sans problème, que tout le monde se porte bien, etc. Ce n'est pas le cas. Mais des pays plus riches que le nôtre, des pays qui vivent en paix, qui n'ont pas eu à combattre sans cesse, eh bien ces pays-là, eux non plus, n'ont pas encore réalisé tous leurs projets. De quoi êtes-vous particulièrement fier? 1921, when I came to Palestine. D'être venu ici en 1921. That was the wisest decision that I ever made. C'est la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. I can't imagine. I have very good friends in Milwaukee. It didn't come. Je ne peux pas imaginer ce qu'aurait été ma vie. Écoutez. J'ai des amis très chers à Milwaukee. Ils ont voulu rester là-bas, ne pas venir ici. They live in big houses and two or three cars and the family and their children live in big houses. Ils ont de belles maisons, deux ou trois voitures, des enfants qui eux aussi vivent dans de grandes et belles maisons. When I come to Milwaukee, I feel sorry for them. They're very lovely people, I love them. But so what? So you have another car. Doesn't mean so much. Quand je vais les voir à Milwaukee, ils me font de la peine. Ce sont des gens charmants que j'aime beaucoup. Mais quoi, qu'est-ce qu'ils attendent de la vie? Une voiture de plus? Avouez que c'est pas grand-chose. On l'a sans doute remarqué au cours de ces entretiens, Madame Golda Meir n'aime pas beaucoup parler d'elle. Aussi, c'est à vous, Loukadar, vous, son amie et sa confidente, vous qui la connaissez si bien, que je voudrais demander de nous dire quel est, à votre avis, l'état d'esprit actuel de Golda Meir. Pensez-vous qu'elle soit paisible? Non, elle n'est pas paisible. Ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas qui lui convient, ce n'est pas dans sa nature. Elle continue à être active politiquement. Elle pensait qu'elle voudrait se reposer. Elle a besoin de se reposer. Elle veut se reposer. Elle voulait surtout, parce qu'elle ne le fait pas. Elle voulait ne pas avoir à regarder dans son agenda si à 9h elle doit être ici ou si à 10h elle doit rencontrer monsieur un tel. Elle voulait être libre de sa journée. Décider quand elle veut d'aller à un musée ou de ne rien faire ou d'aller voir des amis ou d'aller au cinéma. Et elle n'a jamais pu le faire, même maintenant. Elle est très demandée. On veut qu'elle fasse des discours, on lui demande de rencontrer des gens. Elle veut aussi rencontrer des gens, de vieux amis qui viennent de l'étranger. Et même des pas des amis intimes, mais des personnalités politiques qu'elle a connues lorsqu'elle était active, viennent en visite officielle dans le pays. Ils demandent à la voir. Elle ne peut pas refuser de les voir. Elle est aussi heureuse de les voir. Ils veulent échanger leurs impressions avec elle. Elle est prête à le faire naturellement. Elle est d'une discrétion à toute épreuve, avec des étrangers, sur ce qu'elle pense du nouveau gouvernement, dont elle ne jouit guère. Mais elle ne dira jamais rien contre devant les étrangers. Elle garde pour elle, ou pour moi, ou pour sa famille, ce qu'elle en pense. Mais elle est très occupée. Et les gens de son parti continuent à la voir, à lui demander conseil. Elle n'a pas quitté la vie politique. Elle dit parfois qu'elle aurait voulu tout quitter. Je ne crois pas. C'est pas vrai. Elle ne peut pas. Elle n'est pas faite comme ça. Pour elle, la vie politique, c'est le boire et le manger. Elle lit les journaux, elle écoute la radio, elle s'intéresse très intimement à tout ce qui se passe au point de vue politique, non seulement chez nous, mais ailleurs. Et elle est tout à fait au courant de ce qui se passe. Je crois qu'elle veut tenir sa famille à écart de sa vie officielle, c'est-à-dire ses petits-enfants en particulier, qu'on n'aille pas leur demander ce qu'ils pensent de leur grand-mère. Oui, ça l'a toujours beaucoup gênée. Mais elle ne les tient pas à part totalement, c'est-à-dire elle leur... Ils sont tous très éveillés. Eux lui posent des questions politiques. Eux veulent savoir. Et elle leur a toujours parlé très honnêtement. Et lorsqu'ils étaient plus petits, elle leur expliquait les choses qu'ils ne comprenaient pas, et les laissant toujours libres naturellement de discuter comme ils le voulaient et de prendre aussi d'avoir leurs idées à eux. Je ne suis pas du tout sûre que tous pensent comme elle en dessous ces idées politiques. Et qui ne voit pas tous comme elle sa façon de voir les choses, mais elle a toujours fait de son mieux pour leur apprendre à penser par eux-mêmes. Et ce qu'ils ont fait, ils sont tous très réussis, les gosses. Mais de leur faire partager ce qu'elle n'aimait pas dans sa vie politique, par exemple, les interviews, les rencontres avec des journalistes ou avec d'autres personnalités, ils n'ont jamais aimé ça et elle a toujours eu horreur de leur demander, même lorsqu'elle pensait que ce serait utile pour sa carrière ou pour une meilleure interview de faire entrer un des enfants ou son fils ou sa fille. Jamais elle n'a voulu leur demander. Elle a toujours compris qu'eux le refusent, ce qu'ils ont presque toujours fait. Sa vie a été bénie parce qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire depuis son plus jeune âge. Je crois que depuis l'âge de 14 ans, elle a pensé à venir en Palestine et à faire de ce pays le sien, un pays libre dans lequel elle pourrait faire des choses. Diriger le mouvement ouvrier, par exemple, élever sa famille en liberté, de donner à sa famille, à ses enfants, l'éducation qu'elle voulait tellement et qu'elle a eu tant de mal à obtenir. sa vie a été bénie. Vous avez démissionné pour la première fois, vous avez dit « Enfin, je vais pouvoir me reposer, aller au cinéma, au concert. » Vous faites tout ça maintenant ? Much less than I want. I don't remember when I was in the movie. Bien moins que je ne le voudrais. Je ne sais même plus quand je suis allé au cinéma pour la dernière fois. I go to concerts, not as often as I would like, or to the theater, or to visit friends, or to just sit home and read. I still am too busy, but I hope. Je vais au concert, oui, pas assez souvent. Je vais un peu au théâtre, où je vais voir des amis, où je m'installe dans un fauteuil chez moi et je lis. Mais j'ai encore trop de choses à faire. J'espère avoir un peu plus de temps un jour. Goldemir, avez-vous quelque chose à dire aux jeunes Français? Do you have something to say to young French people? There's so many Frenchmen that can say important things to young French people. Il y a tellement de gens chez vous qui pourraient dire des choses importantes aux jeunes Français. Well, there's two things. Bon, je voudrais leur dire deux choses. One thing is to examine very, very carefully facts before they make up their minds about other people and other people's problems. Premièrement, c'est d'examiner très, très à fond les faits avant de porter un jugement sur d'autres peuples et sur les problèmes que peuvent avoir les autres peuples. Number two, one cannot realize ideals by merely being antagonistic to others. You have to do something yourself about it. Deuxièmement, nul ne peut réaliser un idéal en se contentant d'approuver ou de désapprouver ce que font les autres. Il faut agir. The basis of Israel today is that young people in the latter part of the 19th century and the beginning of the 20th century were not prepared to go on for another 2,000 years and say next year in Jerusalem. But they came. And they did something. Les fondements de l'Israël d'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui les ont posés. Les jeunes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils sont venus et ils ont fait quelque chose. And the labor people among them and the socialists among them were not prepared just passing socialist resolutions. They established a kibbutz, which you don't find anywhere else in the world. And they established a moshav. And they established a histadrut, which also has not its equal anywhere else in the world, the way it's organized. Et les travailleurs, et entre autres les travailleurs socialistes, ne se sont pas contentés de présenter les résolutions de leur parti. Ils ont créé les kibbutzim, les moshavs, qui n'existent nulle part ailleurs et qui n'ont pas leur égal dans le monde. So these youngsters then, who were the same as young people in France and anywhere else, the difference is they were not satisfied merely by making speeches and taking resolutions and even having demonstrations. Ces jeunes gens, qui étaient pourtant semblables aux jeunes Français d'aujourd'hui et aux autres jeunes du monde entier, n'étaient peut-être pas comme les autres. Ils ne se contentaient pas de faire des discours ni de manifester dans les rues. That you also, that's all right. But then you do something. You yourself do something. You don't go home after a demonstration and live in a very luxurious home. And you've demonstrated for the good of the poor people. And where are you? What have you done for them? That's all. Je ne désapprouve nullement les manifestations quand elles sont légitimes, mais après, il ne faut pas se contenter de rentrer chez soi dans une maison confortable, luxueuse parfois. On manifeste pour soutenir le bon droit des peuples, c'est très bien. Mais ensuite, que fait-on pour eux? C'est tout ce que j'ai à dire. C'était Entretien avec Golda Meir, une émission de Patrice Galbeau. Avec Lou Kadar, Denis Jans. Oui. Prise de son extérieure, Asaf Marglit. Prise de son studio et mixage, Agnès Boissonnade, Joseph Rémiot. Collaboration, Patrick Liégibel. Réalisation, Alain Paulet. And you've demonstrated for the good of the poor people. And where are you? What have you done for them? C'était les 9e et 10e volets d'une série de 10, diffusés la première fois les 22 et 23 décembre 1977 sur France Culture.